Chapitre 16 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouin. Essai par Michel Ekem de Montaigne, livre 1, chapitre 16. Un trait de quelques ambassadeurs. J'observe, en mes voyages, cette pratique. Pour apprendre toujours quelque chose par la communication d'autrui, qui est une des plus belles écoles qui puisse être, de ramener toujours ceux avec qui je confère au propos des choses qu'ils savent le mieux. Basti al nociero ragionar de venti, al bifolco dei tori, et le sue piegage, contil guerrier, contil pastor gliarmenti, car il advient le plus souvent au contraire que chacun choisit plutôt à discourir du métier d'un autre que du sien, estimant que c'est autant de nouvelles réputations acquises, témoin le reproche qu'Archidamus fit à Périandère, qu'il quittait la gloire d'un bon médecin pour acquérir celle de mauvais poète. Voyez combien César se déploie largement à nous faire entendre ses inventions à bâtir ponts et engins, et combien au prix il va se serrant, où il parle des offices de sa profession, de sa vaillance et conduite de sa milice. Ses exploits le vérifient à ses capitaines excellents. Il se veut faire connaître excellent ingénieur. Qualité aucunement étrangère. Le vieil Dionysius était très grand chef de guerre, comme il convenait à sa fortune. Mais il se travaillait à donner principale recommandation de soi, par la poésie, et s'il n'y savait guère. Un homme de vacation juridique, menait ses jours passés voir une étude fournie de toutes sortes de livres de son métier, et de tout autre métier, n'y trouva nulle occasion de s'entretenir. Mais il s'arrêta à gloser rudement et magistralement une barricade logée sur la vis de l'étude, que sans capitaine et soldats reconnaissent tous les jours, sans remarque et sans offense. Optat effipia, bos piger. Optat arare cabalus. Par ce train, vous ne faites jamais rien qui vaille. Ainsi, il faut travailler de rejeter toujours l'architecte, le peintre, le cordonnier, et ainsi du reste. Chacun a son gibier. Et à ce propos, à la lecture des histoires, qui est le sujet de toutes gens, j'ai accoutumé de considérer qui en sont les écrivains, si ce sont personnes qui ne fassent autre profession que de lettres. J'en apprends principalement le style et le langage. Si ce sont médecins, je les crois plus volontiers en ce qu'ils nous disent de la température de l'air, de la santé et complexion des princes, des blessures et maladies. Si jurisconsultes, il en faut prendre les controverses des droits, des lois, l'établissement des polices et choses pareilles. Si théologiens, les affaires de l'Église, censures ecclésiastiques, dispenses et mariages. Si courtisans, les mœurs et les cérémonies. Si gens de guerre, ce qui est de leur charge. Et principalement, les déductions des exploits où ils se sont trouvés en personne. Si ambassadeurs, les menées, intelligence et pratique et manière de les conduire. À cette cause, ce que j'eusse passé à l'autre, sans m'y arrêter, je l'ai posé et remarqué en l'histoire du seigneur de Langeais, très entendu en telle chose. C'est qu'après avoir compté ces belles remontrances de l'empereur Charles V faites au consistoire à Rome, présent l'évêque de Mâcon et le seigneur de Velly, nos ambassadeurs, où il avait mêlé plusieurs paroles outrageuses contre nous, et entre autres, que si ses capitaines et soldats n'étaient d'autre fidélité et suffisance en l'art militaire que ceux du roi, tout sur l'heure, il s'attacherait la corde au cou pour lui aller demander miséricorde. Et de ceci, il semble qu'il en crut quelque chose, car deux ou trois fois en sa vie, depuis, il lui advint de redire ces mêmes mots. Aussi, qu'il défia le roi de combattre en chemise avec l'épée et le poignard, dans un bateau. Le dit seigneur de Langeais, suivant son histoire, ajoute que les dix ambassadeurs, faisant une dépêche au roi de ces choses, lui en dissimulèrent la plus grande partie. Même lui, scellèrent les deux articles précédents. Or, j'ai trouvé bien étrange qu'il fût en la puissance d'un ambassadeur de dispenser sur les avertissements qu'il doit faire à son maître, même de telles conséquences, venant de telle personne, et dit en ces grandes assemblées. Et m'eût semblé l'office du serviteur être de fidèlement représenter les choses en leur entier, comme elles sont advenues, afin que la liberté d'ordonner, juger et choisir demeurât au maître. Car de lui altérer ou cacher la vérité, de peur qu'il ne la prenne autrement qu'il ne doit, et que cela ne le pousse à quelque mauvais parti, et cependant le laisser ignorant de ses affaires, cela m'eût semblé appartenir à celui qui donne la loi, non à celui qui la reçoit, au curateur et maître d'école, non à celui qui se doit penser inférieur, non en autorité, aussi en prudence et bon conseil. Quoi qu'il en soit, je ne voudrais pas être servi de cette façon en mon petit fait. Nous nous soustrayons si volontiers du commandement sous quelque prétexte et usurpons sur la maîtrise. Chacun aspire si naturellement à la liberté et autorité, qu'aux supérieurs nulle utilité ne doit être si chère, venant de ceux qui le servent, comme lui doit être chère leur simple et naïve obéissance. On corrompt l'office du commandé quand on y obéit par discrétion, non par sujection. Et Publius Crassus, celui que les Romains estimèrent 5 fois heureux, lorsqu'il était en Asie consul, ayant mandé à un ingénieur grec de lui faire mener le plus grand des 2 mâts de navire qu'il avait vu à Athènes, pour quelque engin de batterie qu'il en voulait faire. Cet huissier, sous titre de sa science, se donna loi de choisir autrement, et mena le plus petit, selon la raison de l'art, le plus commode. Crassus, ayant patiemment oué ses raisons, lui fit très bien donner le fouet, estimant l'intérêt de la discipline plus que l'intérêt de l'ouvrage. D'autre part, pourtant, on pourrait aussi considérer que cette obéissance si contrainte n'appartient qu'au commandement précis et préfixe. Les ambassadeurs ont une charge plus libre, qui en plusieurs parties dépend souverainement de leurs dispositions. Ils n'exécutent pas simplement, mais forment aussi et dressent par leurs conseils la volonté du maître. J'ai vu en mon temps des personnes de commandement, repris d'avoir plutôt obéi aux paroles des lettres du roi qu'à l'occasion des affaires qui étaient près d'eux. Les hommes d'entendement accusent encore aujourd'hui l'usage des rois de Perse, de tailler les morceaux si courts à leurs agents et lieutenants qu'aux moindres choses ils eussent à recourir à leur ordonnance. Ce délai, en une si longue étendue de domination, ayant souvent apporté des notables dommages à leurs affaires. Et Crassus, écrivant à un homme de métier et lui donnant avis de l'usage auquel est destiné ce mât, semblait-il pas entrer en conférence de sa délibération et le convier à interposer son décret. Fin du chapitre 16.